Section 48, deuxième partie, chapitre 17. En allant au corps législatif, Charlotte n'avait qu'une idée, empêcher Georges de venir rue de Boulogne. Sur la lettre du docteur Verbiste, il voudrait à coup sûr accourir près d'elle pour se mettre à sa disposition. Il pourrait se rencontrer avec Emmanuel. Il ne fallait pas que cela pût arriver. Elle avait plus de temps qu'il ne lui fallait pour faire cette démarche avant qu'Emmanuel fût de retour. Elle expliquerait à Georges son affreuse situation et lui ferait comprendre combien il serait dangereux qu'il vînt rue de Boulogne. Elle n'avait pas songé à se demander comment elle pénétrerait dans le palais du corps législatif, et son cocher l'avait conduite à l'entrée par où passent les personnes qui ont des billets pour assister aux séances. « Madame a une carte ?» demanda un gardien lorsqu'elle se présenta à cette porte d'entrée. Elle s'arrêta interdite, car elle était dans une disposition morale où l'obstacle le plus insignifiant vous embarrasse. « Non, dit-elle. Alors vous ne pouvez pas entrer. J'ai besoin de voir un député. On a toujours besoin de voir les députés, et c'est pour cela qu'on veut entrer. Lequel ?»« Monsieur Georges Safarel. » Charlotte commençait à être fort mal à son aise. Elle sentait une vingtaine d'yeux braqués sur elle. Elle entendait un murmure confus de chuchotements. Mais une femme jeune, élégante et jolie ne reste point au milieu d'un groupe d'hommes sans qu'un chevalier français vienne à son secours. Ce chevalier surgit tout à coup sous la forme d'un homme d'une cinquantaine d'années, au ventre ballottant, au visage fleuri, à la figure joufflue et rougeaude, portant dans toute sa personne, dans sa tête, légèrement renversée en arrière, aussi bien que dans sa poitrine décorée qui bombait en avant l'auréole d'un vainqueur. Un vainqueur bourgeois, bien entendu, qui, après avoir fait sa fortune dans un commerce quelconque, avait la gloire d'administrer présentement les affaires de la France et considérait le palais Bourbon comme lui appartenant. Il s'approcha de Charlotte, le chapeau à la main, le bras arrondi. « Vous désirez voir M. Georges Safarel ? » dit-il avec son sourire le plus engageant. En entendant cette interpellation, Charlotte se retourna vivement et regarda en face celui qui lui adressait la parole. Ce qui eût peut-être rassuré une autre femme la blessa, mais elle n'était point en situation d'écouter ses sentiments. Il lui fallait voir Georges. « Oui, monsieur. Eh bien, madame, si vous voulez me faire le plaisir d'accepter mon bras, je vais avoir l'honneur de vous conduire. » Charlotte avait eu le temps de revenir de son premier mouvement de surprise, et la réflexion lui avait indiqué un moyen de sortir de son embarras sans avoir besoin de se promener à travers le palais Bourbon au bras de ce guide trop aimable. « Je vous suis bien reconnaissante de votre offre de service, » dit-elle. « Mais plutôt que de me mettre à la recherche de M. Safarel, je préférerais l'attendre ici. »« Ici, au milieu de ce monde ?»« Dans ma voiture. Ce que je désirerais, ce serait donc que vous voulussiez bien faire passer ma carte à M. Safarel. » Ce rôle de commissionnaire ne pouvait pas convenir à ce vieux vainqueur, et ce n'était point ainsi qu'il avait compris que les choses se passeraient. S'il s'était mis à la disposition de Charlotte, c'était pour avoir la satisfaction de se montrer dans les couloirs avec une jolie femme à son bras. Porter une simple carte pour obliger cette jolie femme, qu'il ne reverrait sans doute jamais, ne lui disait rien d'agréable. Il voulut expliquer à Charlotte qu'un député ne pouvait pas quitter ainsi la séance pour venir dans la rue parler à une femme, si charmante qu'elle soit. Qu'il y avait dans le palais des salles dans lesquelles les députés recevaient les visites de leurs amis ou de leurs électeurs. Charlotte persista dans son idée, et à la fin, elle parvint à remettre au député sa carte, sur laquelle elle avait écrit quelques mots pressants. Deux minutes après, elle voyait Georges arriver rapidement, tenant dans sa main une poignée de lettres. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Vous n'avez donc pas reçu une lettre du docteur Verbiste ? On vient de me remettre à l'instant même mon courrier. Je ne l'ai pas encore décacheté. » Ces quelques paroles avaient été échangées par la portière de la voiture, Georges étant sur le trottoir et Charlotte, la tête avancée, dans l'encadrement de la glace. « J'ai à vous parler, » dit-elle. « Emmanuel ? Il est en grand danger. Pouvez-vous me donner quelques minutes ? Tout le temps que vous voudrez. Vous savez bien qu'avant tout, je suis à vous. » Disant cela, il ouvrit la portière, et montant dans la voiture, il s'assit auprès de Charlotte. « Allez droit devant vous, » dit-il au cocher, « du côté des Champs-Élysées. » « Non, » interrompit-elle vivement, « pas aux Champs-Élysées, n'importe où, sur le quai. » Il était regrettable pour Charlotte que Georges n'eût pas lu la lettre du docteur Verbiste. Son récit eût été ainsi simplifié. Il n'eût point été nécessaire qu'elle entrât dans des détails qui l'embarrassaient. « Avez-vous vu le docteur Louville depuis que j'ai été le consulter ? » demanda-t-elle. « Sans doute, le lendemain même. Avez-vous pu supposer qu'après votre lettre, je resterai sans m'inquiéter d'Emmanuel ?»« Que vous a dit, monsieur Louville ?»« Il m'a dit que d'après vos explications, il jugeait l'état d'Emmanuel très grave, et que pour lui le seul remède était en traitement dans une maison de santé. Il m'a dit aussi que vous aviez repoussé son conseil, sans vouloir rien entendre, et que vous ne consentiriez jamais à placer votre mari dans une maison de santé. Et c'est tout ? C'est tout. Il m'a de plus longuement développé les raisons qui rendaient ce traitement indispensable, aussi bien dans l'intérêt d'Emmanuel que dans le vôtre. Mais comme vous connaissez ces raisons et qu'elles ont été sans influence sur vous, il est inutile que je vous les répète. Je ne veux pas que vous puissiez supposer un instant que je désire une séparation entre Emmanuel et vous, alors surtout que cette séparation serait amenée par le placement de votre mari dans une maison de santé. Ma situation est délicate, et je suis tenue à des ménagements qui m'ôtent une grande partie de ma liberté. Sa situation, c'était de lui qu'il parlait, c'était à lui qu'il pensait dans un pareil moment. Ce que je voulais savoir, dit-elle, c'était si M. Louville vous avait parlé des hallucinations d'Emmanuel. Sans doute. Il m'a dit que votre mari croyait voir sans cesse devant lui certaines personnes, et que j'étais une de ces personnes. Alors vous savez ce qui a déterminé ma visite. Depuis que j'ai été chez M. Louville, les hallucinations d'Emmanuel ont augmenté, au moins en violence. Elles sont devenues si intolérables pour lui qu'il y a 3 jours, il a été demandé au docteur Verbiste, un oculiste que vous devez connaître, de lui crever les yeux. Hélas, le malheureux est fou. C'est ce qu'a pensé le docteur. Alors, comme Emmanuel lui avait parlé de vous en lui disant les liens de parenté qui vous unissent, il vous a écrit pour vous prévenir. J'ai eu peur qu'en lisant cette lettre, vous ne vouliez venir rue de Boulogne. C'est assurément ce que j'aurais fait, car si grande qu'ait été la réserve que j'ai cru devoir m'imposer et que jusqu'à ce jour j'ai pu observer en pareille circonstance, je n'avais qu'une chose à faire, aller à vous. J'y serais donc allé pour vous demander quelle partie vous vouliez prendre. Ce que je vous demande, d'ailleurs, en me mettant à votre disposition. Quelle partie voulez-vous que je prenne ? Que puis-je ? Je comprends que vous ayez répondu au docteur Louville que vous ne consentiriez jamais à suivre son conseil et à placer Emmanuel dans une maison de santé. Mais la situation n'était pas alors ce qu'elle est maintenant. Vous aviez des craintes. Maintenant, vous avez une certitude. Emmanuel m'a fait jurer que je ne le mettrais jamais dans une maison de santé. Ce sont là de ces serments qu'on prête facilement, mais qu'on ne tient que dans la limite du possible. Nos appréhensions se sont par malheur réalisées. Aujourd'hui, Emmanuel est fou. Pouvez-vous le laisser libre alors qu'il est incapable de se conduire ? Je le conduirai. Le pouvez-vous ? Quelle autorité aurez-vous sur lui ? Celle que donne la tendresse et la reconnaissance. Et s'il perd cette reconnaissance, comme il a perdu la raison, que ferez-vous ? Il sera temps alors de chercher. Il sera temps, dites-vous, et s'il est trop tard, de quoi un fou n'est-il pas capable, soit contre lui-même, soit contre les autres ? Je ne veux certes pas ajouter un tourment à tous ceux que vous endurez déjà, mais enfin, il faut bien vous rappeler le souvenir de la mère d'Emmanuel. On ne l'avait pas placée dans une maison de santé. Y eût-elle guéri, je n'en sais rien, mais le certain, c'est qu'elle n'aurait pas pu se jeter dans un étang. Que jusqu'à ce jour, Emmanuel n'ait rien fait ou rien dit de nature à nous permettre de craindre une pareille fin, c'est possible. Mais qui sait ce qui peut se passer ? Il a parlé de suicide au docteur Verbiste. Il a parlé de suicide et vous hésitez ? Si vous demandez quel parti prendre, arrêté, enchaîné par je ne sais quel serment, eh bien moi je n'hésite plus. Vous ? À votre exclamation, je comprends que vous vous demandez de quel droit je me permets d'intervenir dans une affaire de cette importance. Je vais vous le faire connaître, ce droit. Mais avant tout, sachez que je ne voulais à aucun prix me rapprocher de vous, car ce rapprochement ne peut être que plein de souffrance pour moi. Comme elle se rejetait en arrière, « Si je parle ainsi, dit-il, c'est que ces paroles devaient être prononcées. Maintenant, j'arrive au droit que j'ai d'intervenir. Je suis votre plus proche parent, votre cousin, celui d'Emmanuel. En cette qualité et conformément à la loi, j'ai le droit de demander que mon cousin, atteint d'aliénation mentale, soit placé dans un établissement d'aliénés. Voilà mon droit, il est précis. Et je suis prêt à le faire valoir, si vous ne vous décidez pas à sortir d'une inertie dangereuse à tous les points de vue, pour lui et pour vous. « Mais que puis-je » dit-elle en se tournant les mains. « Comment voulez-vous que je sorte de ce que vous appelez mon inertie ?»« Vous pouvez, vous devez une chose, et tout vous oblige, votre conscience, l'intérêt d'Emmanuel, le vôtre, à la faire, vous en tenir à l'avis d'un médecin. » Puis, se penchant par la porte ouverte, il arrêta le cocher et lui dit de rebrousser chemin pour aller rue Lepelletier. « Je vais vous conduire chez Louville, » dit-il à Charlotte. « Si vous n'avez pas confiance en lui, nous enverrons un autre. Si vous n'avez pas confiance dans cet autre, nous enverrons un troisième, puis un quatrième. » « Mais Emmanuel doit rentrer à 4 heures, » dit-elle. « Il faut qu'il me trouve. » « En nous pressant, nous avons le temps de voir Louville. Demain, si vous le voulez, nous verrons les autres. » Fin de la section 48.